Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 94, de l'idolâtrie. L'idolâtrie, espèce de la superstition, est un péché très grave, dont la cause est dans l'homme et dans les démons. 1. L'idolâtrie est-elle une espèce de la superstition? Nous lisons dans les Actes des Apôtres que saint Paul, à Athènes, ne pouvant se défendre d'une grande émotion à la vue de cette ville livrée à l'idolâtrie, s'écria, « Athéniens, je vous vois par-dessus tout superstitieux. » Actes 17, 16. On peut en conclure que l'idolâtrie fait partie de la superstition. On tombe, en effet, dans la superstition toutes les fois que l'on dépasse la mesure propre au culte divin. Or on la dépasse principalement en rendant à la créature le culte qui n'est dû qu'à Dieu, ce que faisaient les païens, qui accordaient les honneurs divins non seulement aux créatures visibles, mais encore à des créatures représentées par des figures auxquelles on donnait le nom d'idole. Note. Les païens rendaient le culte divin aux idoles de différentes manières. Les uns, recourant à un art criminel, faisaient des images qui, par la vertu des démons, produisaient certains effets. Ils en concluaient que ces images renfermaient quelque chose de la divinité, et qu'à ce titre elles méritaient les honneurs suprêmes. Les autres rendaient le culte divin, non aux images mêmes, mais aux créatures qu'elles représentaient. Ces derniers se subdivisaient en trois classes. Quelques-uns, croyant que certains hommes, par exemple, Jupiter, Mercure, avaient été des dieux, les adoraient dans leurs images. Les autres professaient que le monde entier forme un seul dieu, non en tant que substance matérielle, mais par son âme, qui n'était autre, selon eux, que l'essence divine. Ils pensaient qu'il faut adorer l'univers et toutes ses parties. Les troisièmes, les platoniciens, admettaient un Dieu suprême, auteur de toutes choses, et, après Dieu, des substances spirituelles créées, qu'ils appelaient Dieu par participation, et que nous appelons anges, après les anges. Ils mettaient les âmes des corps célestes, puis les génies, espèces d'animaux aériens, et, en dernier lieu, les âmes des hommes que la vertu élevait au rang des dieux ou des génies. Fin de la note. 2. L'idolâtrie est-elle un péché? Il est écrit, « Vous n'adorerez pas les idoles et vous ne les honorerez pas. » Exode 20, 5. C'est donc un péché de rendre un culte aux idoles. On est tombé dans deux erreurs sur cette question. Les uns l'ont dit que l'on doit offrir les sacrifices et tout ce qui constitue le culte de l'idolâtrie, non seulement à Dieu, mais à toutes les substances supérieures. Cette opinion est absurde. Quoique nous soyons tenus de révérer tous les êtres qui sont au-dessus de nous, nous ne devons pas à tous les mêmes honneurs. Nous devons à Dieu, qui surpasse tous les autres, des hommages particuliers, ce qu'on appelle le culte de l'idolâtrie. Les sacrifices extérieurs étant les signes des sacrifices intérieurs, ainsi que les mots sont les signes des choses, le sacrifice visible lui-même ne doit être offert qu'à l'être souverain, auquel nous offrons le sacrifice invisible et secret de notre âme. D'autres ont enseigné que l'on ne doit pas accorder aux idoles le culte extérieur de la trie comme une chose bonne en soi, mais que l'on peut, à cet égard, se conformer à la coutume du vulgaire. Certains hérétiques ont partagé cette erreur en soutenant que, dans une persécution, il est permis d'adorer extérieurement les idoles, pourvu que l'on conserve la vraie foi dans son cœur, doctrine manifestement fausse. Le culte extérieur est l'expression du culte intérieur, or, De même que c'est un mensonge pernicieux d'affirmer par la parole le contraire de la vraie foi à laquelle on adhère intérieurement, c'est de même se rendre coupable d'une fausseté pernicieuse que de témoigner par le culte extérieur des sentiments contraires à ceux que l'on a dans le cœur. Note. On nous objectera peut-être le culte que l'Église rend aux images. Jamais les images n'ont été exposées, ni dans l'ancienne loi, ni dans nos églises, pour recevoir le culte de l'atrie. Elles ont pour but unique d'imprimer et de confirmer en nous, par leur signification, la foi à l'excellence des anges et des saints. Fin de la note. 3. L'idolâtrie est-elle le plus grand des péchés? Considère-t-on les péchés en eux-mêmes? Sous ce rapport, l'idolâtrie est le plus grand de tous, de même que, dans un État, il n'y a rien de plus criminel que de rendre à un autre co-souverain légitime les honneurs royaux, un tel acte ne tendant à rien moins qu'à renverser l'ordre social tout entier. De même, le plus grave des péchés contre Dieu est de déférer à la créature les honneurs divins, car c'est introduire, autant qu'il est en soi, un autre Dieu dans le monde. Considère-t-on la gravité des péchés du côté du pécheur, comme quand on dit que l'homme qui fait le mal sciemment pèche plus grièvement que celui qui agit par ignorance? À ce point de vue, les hérétiques, qui corrompent sciemment la foi reçue par eux, pèchent plus grièvement qu'un idolâtre ignorant. Rien n'empêche, en ce sens-là, que d'autres péchés encore ne soient plus graves que l'idolâtrie, à raison d'un plus grand mépris dans l'homme. Note. Quoi qu'il en soit, l'idolâtrie présuppose l'infidélité, elle y ajoute le culte illégitime et un blasphème contre Dieu, à qui elle refuse l'unité du domaine suprême. L'hérésie des manichéens était la plus horrible de toutes les idolâtries. Fin de la note. 4. L'idolâtrie a-t-elle eu sa cause dans l'homme? Il est écrit, « La vanité des hommes a introduit les idoles dans le monde. » Sagesse 14, 14. L'idolâtrie a eu deux causes, l'une dispositive, l'autre complétive. La cause dispositive de l'idolâtrie a été dans l'homme. Trois choses y ont contribué. D'abord le dérèglement des affections. Un père, nous dit la sagesse, en proie à une vive douleur, fit faire l'image d'un fils que la mort lui avait ravi prématurément, et il commença à l'adorer comme un dieu. Sagesse 14, 15. Ensuite l'amour naturel des hommes pour les statues et les tableaux. Les esprits grossiers adorèrent comme des divinités les œuvres artistiques qui représentaient les hommes sous des traits frappants. Un ouvrier habile coupa un arbre bien droit, lui donna une figure humaine par la science de son art, et lui adressa des vœux. Sagesse 13, 11. En troisième lieu, l'ignorance du vrai Dieu. Ne considérant point l'excellence des perfections divines, les païens ravissaient à l'être suprême les honneurs souverains pour les déférer à certaines créatures dont ils admiraient la beauté et la vertu. Ils ne reconnurent pas l'ouvrier à la vue de ses ouvrages, et ils regardèrent comme des dieux le feu, le vent, les étoiles, le soleil ou la lune. Sagesse 13, 1. La cause complétive de l'idolâtrie s'est trouvée dans les démons, qui, donnant des réponses dans les idoles et opérant certaines œuvres que l'on croyait miraculeuses, se proposèrent eux-mêmes à l'adoration des hommes. Aussi est-il écrit, « Tous les dieux des gentils sont des démons. » Psaume 95, 5. Note. L'idolâtrie n'exista point dans le premier âge du monde, où le souvenir de la création, tout récent encore, maintenait dans l'esprit des hommes la connaissance d'un Dieu unique, elle fut détruite, dans le sixième âge. par la vertu et par la doctrine du Christ, qui triompha du démon. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.